Bonsoir, vous n'êtes pas l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Bonsoir. Effectivement, vous êtes à l'écoute de Tranche d'Anard, comme dit le générique, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis de 20h30 à 22h. Notre numéro de téléphone est le 02 344 58 55. Vous pouvez toujours nous joindre pour ou nous dire bonjour ou réagir à certaines choses. Voilà, nous sommes toujours ouverts. Et notre adresse est le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Donc voilà. Donc ce soir, nous allons recevoir 8 mars oblige, le collectif 8 mars. Enfin, certains membres du collectif 8 mars. Voilà. Alors, on est un peu nombreux dans le studio. Je suis un peu... Vous voulez peut-être vous présenter? Oui, bonjour, et merci pour nous recevoir. Mais je vous en prie, avec plaisir. Je m'appelle Carolina, je suis membre du collectif 8 mars. Et c'est un groupe populaire de femmes qui, septembre dernier, sont décidées de se réunir pour organiser cette grève, inspirée des mouvements des autres pays comme l'Espagne, l'Italie, qui font ces grèves depuis quelques années. Et l'idée, c'est de faire cette première grève des femmes ici en Belgique. Et on est un mouvement apartidaire, mais avec des revendications qui passent dans le spectre politique, bien sûr. Et voilà, ça a commencé, ça a pris beaucoup de force petit à petit. Et aujourd'hui, on attend... pas mal de personnes, de femmes qui vont nous rejoindre dans cette grève. Il y a déjà 2 syndicats qui nous soutiennent, qui sont associés à cette grève, de façon que n'importe quelle femme en Belgique peut décider de faire la grève dans son travail et les protéger de manière syndicale. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, je suis étudiante à l'ULB en sciences et gestion de l'environnement et je fais partie du collectif 8 mars. Et avec des copines, on a décidé de lancer un groupe de mobilisation à l'ULB, donc qui sert à mobiliser les étudiantes de l'ULB autour de revendications communes qui concernent les étudiantes et qui s'inscrivent dans les grandes lignes des revendications du collectif 8 mars. Super. Oui, bonjour, je m'appelle Mona et je suis aussi étudiante. Je fais partie du groupe de mobilisation. Et voilà, moi je fais grève ce 8 mars parce que je pense que les stages devraient être rémunérés. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus, mais c'est un peu mon dada en ce moment et je suis contente de pouvoir en parler ce soir. Ça va. Bonsoir, moi je m'appelle Flore, je suis aussi étudiante à l'ULB en histoire de l'art et en archéologie. Voilà, j'ai répondu à l'appel du groupe de mobilisation étudiante qu'on avait lancé au début de l'année académique avec les filles. Et voilà, je participe activement à tout ce qui va se dérouler ce vendredi sur le campus et en ville. Bonsoir, moi je m'appelle Natalia, je suis chercheuse formatrice au GRECEA, donc c'est les groupes de recherche pour une stratégie économique alternative. Et je fais grève le 8 mars. Je fais grève le 8 mars parce que j'en ai marre des rapports patriarcales et j'en ai marre de la misogynie. Ben, on en parlera tout à l'heure. Je vais laisser parler Caroline maintenant, il me semble. Moi, je voulais juste poser une question. Pourquoi la grève ? C'est une bonne question. La grève est une manière de faire visibiliser les mouvements à tous les niveaux. Et c'est une grève qui est c'est fait dans des différents axes. D'un côté, il y a la grève des travail salariés, il y a la grève des travail domestique et des care, tout ça qu'on fait à la maison. Il ne faut pas oublier que les femmes, à part de travailler dehors de la maison, prennent grande partie de ce travail non rémunéré, non valorisé dans la vie de tous les jours. Alors, on appelle à que ces jours-là aussi, les femmes s'arrêtent de faire ça, de prendre soin des personnes dépendantes, des enfants, des malades, etc. Il y a aussi la grève d'études où les camarades ici vont faire. Ils sont en train de se mobiliser pour pas être punis de certaines manières à ce moment-là. Et il y a aussi la grève de consommation. Ça veut dire on fait partie de grande partie des publics qui consomment et on s'arrête ce jour-là de consommer. Par rapport peut-être aux revendications, j'ai parlé un petit peu de certaines choses, le travail de care, le travail non rémunéré, mais aussi il y a tout ça que c'est la précarité économique qui vise surtout les femmes, le temps partiel imposé, et les problèmes de l'inégalité salariale, que c'est encore aujourd'hui un problème important ici en Belgique. Et le manque de crèches qui ne permet pas que toutes les femmes puissent se rendre dans le marché du travail, aussi dans les formations. Et il y a aussi toutes les politiques migratoires et racistes qui mettent beaucoup de femmes dans cette condition d'illégalité qui ne les permet pas l'accès à la santé et à des services basiques que nous, les femmes qui avons des papiers, et avons les droits, et on trouve que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et toutes les discriminations dans la vie de tous les jours, et on adhère aussi à toutes les revendications de la communauté LGBTQI+. Et il y a tous les sujets des stéréotypes sexistes dans l'éducation, dans la culture, dans les médias, dans les publicités. On doit se voir tous les jours traitée comme femme objet, avec cette image des femmes que nous ne représentons pas. Et il y a tout ça que c'est les violences à l'intérieur du foyer, au dehors du foyer, et les violences à niveau de la santé, et de la gynécologie, etc. Et tout ça qui est en lien avec notre sexualité, notre rapport à la maternité, la contraception, l'avortement, qui dans mon cas c'est un de mes drapeaux de lutte par rapport à ces droits qu'on a de décider pour son corps, être vraiment autonome et pouvoir décider qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pas fait sans se faire juger. C'est tout un programme. Mais on avance petit à petit, et on visibilise déjà toutes ces choses qui existent. Et voilà, pour les régler dans la société, j'imagine qu'il faut aller aussi petit à petit. Et alors, vous avez prévu plein d'événements ce vendredi 8. Tout à fait. Qui vont se passer principalement près de la Grand Place. Non, près de la, devant la gare centrale. De la gare centrale, dans ce qu'on appelle le carrefour de l'Europe. Ouais. Et il y aura des activités de 9h du matin et jusqu'à 17h. Mm-hmm. Et le programme, c'est aussi très riche. Mm-hmm. Et, il y aura d'abord un accueil et un rassemblement. Après, vers 10h, on part avec des assemblées thématiques liées aux différents sujets par rapport aux revendications écologiques, aux sexualités, soit des autres, migration, LGBTQI+, et, etc. Et après, il y aura un espace de microphone ouvert à toutes les femmes. À 14h, c'est un moment crucial parce que, voilà, à ce moment, il y aura ce qu'on appelle faire des bruits. Alors, on invite à toutes les femmes à nous rejoindre, peu importe si sont dans les carrefours de l'Europe ou n'importe où, et à faire des bruits, klaxons avec les mains, crier, etc. Vraiment pour visibiliser qu'on est toutes ensemble. Et l'après-midi, il y aura des concerts, des DJ, mais il y aura aussi des stands avec différentes activités. Et vers 17h, on commence à se rassembler pour partir dans une marche vers la place de Luxembourg. Et en plus, le temps sera avec vous, je crois. J'espère. Oui. On croise les doigts, vraiment. Enfin, avec vous, avec nous tous. Non, mais c'est un chouette programme. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et alors, quels sont les sujets principalement dont vous voudriez parler sur toute cette journée, justement, des journées qui vous tiennent peut-être plus à cœur ou je sais pas. Moi, je veux bien peut-être parler un peu de la rémunération des stages. Mm-hmm. Donc, dit comme ça, ça paraît peut-être pas une revendication féministe, mais en fait, on s'est un peu inspiré du mouvement qui est en train d'avoir lieu en ce moment au Québec. Donc, il y a tout un mouvement qui demande la rémunération des stages et c'est organisé principalement par les CUT, c'est les comités unitaires sur le travail étudiant. Et ça fait quelques années, là, je pense, qu'ils bossent là-dessus. Et cette année, il y a une grève générale illimitée qui va avoir lieu pour demander la rémunération des stages. Donc voilà, ça, c'est un peu le contexte. Mais en gros, pourquoi les stages et pourquoi c'est une question féministe? En gros, c'est parce que la plupart des filières majoritairement féminines la psychologie, le travail social, les soins infirmiers, sages-femmes et tout ça, c'est des filières où il y a beaucoup de stages, où les stages sont obligatoires et où les stages sont la plupart du temps pas payés, parce qu'en Belgique, c'est pas payé. Alors que, Dans d'autres pays, ça l'est ? Je pense qu'en France, c'est à partir de 3 mois, mm-hmm. mais faudrait vérifier pour si ce genre de stage... Enfin, il y a aussi une sorte de hiérarchie entre les stages payés et pas payés. Je pense qu'en Belgique, par exemple, donc c'est pas dans la loi que c'est payé, mais si on fait un stage avec un privé, enfin, dans une entreprise privée, il y a moyen de se faire payer. Donc, par exemple, les gens qui seraient en polytechnique ou en informatique, et là, du coup, on voit que c'est souvent des filières masculines où il y a très peu de femmes. Donc, il y a plein de... Il y a une grille de lecture qui pourrait montrer qu'en fait, c'est un peu une préparation à travailler gratuitement le reste du temps, le reste de notre vie, après les études. Et voilà, donc c'est les métiers du care, c'est des métiers qui, même après les études, même quand c'est mieux payé, sont dévalorisés. Donc nous, on trouve ça intéressant de visibiliser un peu ce travail gratuit. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter là-dessus. Non, moi, je suis assez d'accord. Oui, vas-y. Je voulais dire que par rapport aux revendications de lesquelles j'ai parlé, en fait, chaque collectif, chaque groupe de femmes peut s'approprier de cette revendication et les transformer de sa manière parce qu'on était des mois en réflexion par rapport à un document qu'on a élaboré. Mais ça continuera à évoluer parce que les besoins des femmes évoluent et notre maturité par rapport à ces revendications et ça qu'on peut demander aux politiciens qui changent, ça va évoluer aussi. Et alors voilà, c'est ouvert en plein changement. On continue. Nous voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, on va peut-être passer un petit morceau de musique. Tu veux parler ? Pardon, excuse-moi. Non, ben, je disais, ben, moi en tout cas, c'est ce qui me tient quand même au cœur et une des questions qui vont être traitées ces jours-là. C'est justement la question de l'inégalité salariale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique actuellement, l'écart salarial entre les hommes et les femmes sont de 8% en salaire horaire et de 21% en salaire annuel. En moyenne, donc, c'est-à-dire les femmes, par heure de travail, on gagne 8% en moins que les hommes et par année, 20%, 21% en moins que les hommes. Et pourquoi ? Cet écart entre 21% et 8%, mais c'est puisque justement on travaille moins de temps que les hommes. On est beaucoup plus concentré dans les contrats à temps partiel. Et pourquoi on travaille à temps partiel ? Mais c'est puisque c'est majoritairement les femmes qui doivent se charger de tout le travail qui est complètement invisibilisé, qui est gratuit. Et qui n'est pas du tout valorisé, qui est le travail domestique, qui est beaucoup plus grand que le travail domestique, donc c'est-à-dire beaucoup plus large. C'est aussi travail de soins, ça veut dire aussi, et c'est ce qu'on met en lumière aussi avec cette grève, qui n'est pas seulement la grève du travail salarié, c'est aussi la grève du travail domestique, au travail de soins. C'est justement arrêter par le travail comme si le travail serait que le travail salarié. Pour moi, c'est une de ces importances-là. Et donc, je voulais dire, c'est travail qui n'est pas payé, qui n'est pas valorisé. Ça n'englobe pas seulement la question de tâches domestiques, ça englobe aussi tout ce qui est les charges mentales, mais aussi les charges émotionnelles. Donc, voilà. Et ça, c'est des choses qui commencent à se parler maintenant, grâce, je pense, à cette grève qui a mobilisé beaucoup de choses. Et au-delà du fait qu'on soit nombreuses ou pas nombreuses, pour moi, la transformation ne va pas... Le but n'est pas un changement, même pas un changement, n'est pas quantitatif. Donc le but n'est pas qu'on soit nombreuses ces jours-là à faire la grève. Le but, c'est qu'on soit nombreuses à en discuter et à commencer à prendre conscience de ces inégalités, à prendre conscience de la misogynie, à prendre conscience de ce que c'est la division sexuelle du travail, qu'est-ce que c'est la charge mentale, qu'est-ce que c'est la charge émotionnelle aussi, pourquoi chaque fois toute la responsabilité doit retomber sur les femmes. Charge émotionnelle, ça veut dire surtout la charge de l'empathie, le soin, etc. Et donc ça fait que c'est surtout nous les femmes qu'on est toujours responsables de garder les relations, de faire attention à ne pas trop se fâcher, être en colère, etc. Et tandis que les hommes, lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont un peu violents, lorsqu'ils déconnent, puisqu'ils sont disparus pendant un mois et puis ils s'appellent, ou bien ils ont oublié de téléphoner un ami, une amie, les jours de son anniversaire, mais personne ne les en veut. Les femmes, en fait, on ne peut pas se permettre si facilement ce genre de choses. Donc ça va au-delà de la question du couple. Et ça va au-delà de la famille nucléaire. Je veux dire, cette division sexuelle du travail, elle se reproduit au travail, elle se reproduit avec les amis et dans la rue, partout. Voilà. Pourquoi ? Ok. Vous ne voulez pas qu'on passe un petit morceau de musique ? N'importe quel. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez. De tu vida, el dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas decidiste la partida, no das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres, sabes lo que vas a hacer: cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente. De vida en esos ojos, hermosa guerrera, vamos a luchar. luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana, juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Y por último, queremos hacer sembrar la tierra, para eso estamos las gordas, marchen con nosotras. Oh, ça se passait où? C'était la grève en Espagne, quand il y a eu la grève en Espagne. En Argentine. Ah, okay. Une assemblée, lors d'une assemblée. Ok, donc vous êtes toujours sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Je voulais vous poser une question. Bon, vous faites la grève, effectivement, mais comment ça se passe au niveau de tous les gens, la mobilisation, comment il faut participer, qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà. On est conscient que pas toutes les femmes peuvent faire la grève. Les femmes qui ont déjà des travails qui sont assez précaires, que des femmes qui sont sans papier avec des travails en noir, etc., n'est pas possible de faire cette grève. Ça, c'est pas grave, on comprend. Mais il y a différentes manières de participer. Chaque femme peut participer, même de son lieu de travail, si ce n'est pas possible, ou de la maison où elle soit. On a parlé un peu de faire des vrais à 14 heures, mais aussi de visibiliser les mouvements sur les réseaux sociaux et de pouvoir peut-être visibiliser la grève dans les fenêtres, dans les balcons ces jours-là, en mettant des gants de nettoyage, en mettant des casseroles, peu importe, et en s'habillant en mauve ces jours-là, parce que c'est les couleurs qu'on a choisies pour visibiliser cette grève, en utilisant des foulards, et en mettant des pancartes, etc. Je pense que pour cette année, on attend quand même qu'une certaine quantité de femmes nous rejoignent, mais les femmes qui vraiment ne sont pas capables de le faire, elles peuvent de toute façon les visibiliser où elles soient. Aussi, il y a une marche à 17h30, et on attend à tout le monde. Normalement, à 17h, on se ressemble. À 17h30, on part de la gare centrale vers la place de Luxembourg, et là, on vous attend nombreuses. Ok. Et pour le truc de bruit, il faut apporter ses casseroles, il faut apporter quoi? Chacun à sa manière, avec des boîtes de conserve, peu importe. L'important, c'est faire des bruits avec des instruments, batouka. Ok. Donc, ça risque d'être un truc assez grandiose. Juste encore une petite question, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi non plus de piquet de grève au boulot où les femmes font quand même la grève? Donc, effectivement, il y a des piquets de grève. Il y a notamment piquets de grève à l'hôpital Bruckmann, à l'hôpital Saint-Pierre. Alors, je parle de Bruxelles. Mmh. Malheureusement, je n'ai pas ça ici, mais ça va être publié un peu partout, puisque, bon, à part Bruxelles, je ne me rappelle pas par cœur ailleurs où est-ce qu'il y a des piquets de grève. Mais donc, hôpital Bruckmann, hôpital Saint-Pierre, il y a les filastibes qui vont tracter pendant la journée, ils vont faire une action plus tard, mais pas de piquets de grève, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors, est-ce que je n'oublie personne? Des piquets de grève à Bruxelles, je pense que c'est notamment à l'hôpital. Voilà. Et à l'OLB. Et alors, nous, chez les étudiantes, on organise aussi un piquet de grève, donc à 8h30 à l'ULB, et on appelle toutes les étudiantes à faire grève, donc c'est-à-dire à ne pas se rendre en cours, ne pas se rendre au stage, ne pas se rendre au TP obligatoire, ne pas se rendre au job étudiant. Et alors, à ce niveau-là, c'est chouette, on a un syndicat étudiant qui a une caisse de grève et qui permet de rembourser en partie l'argent qui est perdu pour les étudiants qui ont des jobs étudiants. Et il y aura aussi les chercheuses avec nous parce qu'elles s'organisent aussi sur le campus. Donc c'est un peu un truc avec les différents corps de l'ULB. Et normalement, il y a aussi le personnel aussi de nettoyage qui va essayer de se mobiliser ce jour-là et aussi le PATGS. Donc, le quoi? L'administratif, je ne sais plus c'est quoi le truc exact, mais enfin, ouais. Ok. Excusez-moi. J'ai oublié quand même de dire, c'est pas vraiment un piquet de grève, il y aura des actions, et donc ça c'est une grosse action apparemment qu'il va voir à Arlois, et c'est la Séné Commerce. Ils vont aller, à l'avenue Louis. Hein. C'est bien l'avenue Louis. Hein. Non, c'est pas du tout l'avenue Louis. Rue 9. C'est là où je vais jamais, la rue 9, pardon. Ça se voit. Voilà, donc je confonds. Donc rue 9, les matins, Séné fera des actions, commerce en fait. Donc là, il aura une grosse action. Je suis travailleuse dans des planning familiaux. Et là, il y a, en tout cas, mon planning, le collectif contraception qui ferme ses portes vendredi. Mais il y a des autres plannings qui vont fonctionner un peu plus en ralenti avec les services basiques parce que voilà, on est un peu dans une situation creuse. C'est justement assurer les droits aux services gynécologiques, c'est assurer un droit des femmes. Alors, ils diminuent ces activités, ils font des sensibilisations et de ces manières pour aussi sensibiliser à son public par rapport aux droits des femmes. Et j'ai vu qu'il y avait des papiers qui circulaient en disant je ne peux pas faire grève, mais je soutiens la grève. Mm-hmm. Et qu'on peut coller sur des vitrines de magasins ou de à droite et à gauche, quoi, comme on veut. Tout à fait. Ouais. Les travailleuses d'un certain endroit peuvent faire une photo avec une pancarte et après les mettre sur les réseaux sociaux de cette manière, visibiliser. Voilà, c'est ça. OK, mais on espère qu'il y aura du monde et il y aura pas mal de gens qui soutiendront ce mouvement. Toi, tu voulais parler un petit peu en plus des revendications générales. Et je veux parler en plus des revendications un peu plus spécifiques. Et, par exemple, par rapport au fémicide, ici, là, je parle mon nom, malgré que ça se touche dans la revendication générale des collectifs. Et il n'y a pas encore dans ce pays une loi qui punisse les fémicides, ça veut dire les femmes qui sont tuées pour son copain, son mari, son compagnon, son ex, etc. L'année passée, il y a eu autour de 35 femmes assassinées pour le fait d'être une femme. Et on attend que quelque chose se fasse de la part des autorités pour pouvoir punir de manière plus forte ces hommes qui se permettent de faire des choses pareilles. Et aussi par rapport à l'avortement, que justement c'est un des sujets de militants de planning familiaux. Et toutes les femmes sans papier qui n'ont pas un droit au mutuel, ils n'ont pas droit à avoir un accès gratuit à l'avortement. Et dans ces cas, c'est les planning familiaux qui font l'effort de diminuer la tarif et faire un tarif social pour cette femme. Ça reste autour de 1200 euros. C'est quelque chose qui, pour une femme dans une situation de précarité, c'est déjà beaucoup. Et il existe l'aide médicale urgente, mais c'est long. Et c'est pour les personnes qui sont déjà en train de se régulariser. Mais pour les personnes, par exemple, disons un réfugié qui ne veut pas rester en Belgique en passage pour aller dans un autre pays, ils n'ont aucun droit. Mmh. Alors c'est quelque chose que je pense que c'est important de mettre l'accent. Par rapport à l'avortement en Belgique, c'est un droit qui n'est pas gagné du tout. Malheureusement, il y a eu une loi qui fait sortir l'avortement du code pénal, mais sans aucune modification dans les protocoles. Ça, c'est assez embêtant parce que depuis des années, on attendait cette loi et pouvoir améliorer les conditions. Il y a une quantité énorme de femmes qui doivent aller se faire avorter en Hollande parce qu'ils ont dépassé les délais légaux ici en Belgique. Ça, c'est des coûts. Ça existe encore. Et c'est des coûts énormes. On parle d'autour de 600 euros, sans parler des transports et tout ça. Et ça peut être plus, ça dépend les semaines de grossesse. Il y a parfois des jeunes filles qui ne se rendent pas compte avant qu'elles soient enceintes, alors pas moyen de faire autrement. Et actuellement, il y a des politiciens qui sont en train de vouloir faire passer une loi qui parle de les statuts de fœtus. Et cette loi va aussi mettre un peu en question les droits à l'avortement. Et j'ai l'impression personnellement que cette loi, ce n'est pas très bien pensée non plus, parce que c'est pensé pour les parents qui doivent faire un deuil en cas de fausses couches tardives, etc. Mais il y a des choses basiques qui seraient importantes, assurer à ses parents, par exemple, des meilleures couvertures mutuelles pour des psychothérapies. Ça, ce n'est pas du tout considéré dans la loi. Alors, on se demande c'est quoi les objectifs derrière des politiciens. Mm-hmm. Et on voudra des réponses. Ben oui. Et l'avortement n'est pas... Parce que l'avortement a été quand même légalisé en Belgique. Et il est mis à mal par toutes sortes de lois qui veulent le supprimer. Enfin, pas en le fait, supprimer, mais le modifier. Quoi. C'était autorisé, mais encore, ça restait un délit dans les codes pénals. Ouais. Maintenant, c'est plus un délit, mais sur certaines conditions très précises. Ah oui, d'accord. Et l'avortement, les plannings familiaux, les moyens de contraception, c'est aussi une problématique qui touche fort les étudiantes. Et donc nous, on en a fait on a fait tout un quelque chose là-dessus dans nos revendications de notre groupe de mobilisation des étudiantes. On a un planning familial sur l'ULB, c'est aimé à l'ULB, qui est super chouette, super accueillant, etc. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les moyens de contraception soient gratuits, accessibles à tous. On veut que l'avortement soit inconditionnel. Parce que là, il y a un délai de réflexion obligatoire d'une semaine qui peut être super problématique. Par exemple, si on dépasse le délai légal pour se faire avorter. Il y a aussi, je pense qu'il y a toujours cette séance obligatoire chez un psychologue pour la femme qui veut se faire avorter. Et donc, tout ça, je pense que c'est des choses qui touchent fort les étudiantes. Et on aimerait que tout ça soit gratuit, inconditionnel et accessible à tout le monde. Oui. Oui, ça c'est sûr. Je veux dire, autant l'avortement comme ça va être gratuit et accessible à tout le monde. Et je pense que, voilà, Carola, il a touché un point aussi. C'est la question des personnes qui n'ont pas de papier, parce que souvent on parle, et ça va au-delà, la question de l'avortement, c'est tout simplement la santé qui devient de moins en moins un accès pour tout le monde. Et on pense que l'hôpital, il est accessible à tout le monde, mais il devient de moins en moins accessible à tout le monde. C'est pour cela que dans les collectifs, la revendication reste assez large, mais c'est aussi ces questions de, voilà, on veut la régularisation de tout le monde, puisque si on parle d'avortement gratuit, et accessible à toutes, mais toutes, ça veut dire toutes. Ce n'est pas celles qui ont une carte de nationalité ou une carte de séjour. Oui, surtout qu'en plus, pour les femmes qui doivent se faire soigner, en général, qui sont sans papier, c'est toujours un parcours du combattant pour avoir un papier, pour aller, il faut qu'elles passent par le CPS, après, il faut qu'elles reviennent, il faut qu'elles passent leur médecin, après, il faut qu'elles aillent à l'hôpital, c'est compliqué. Elles sont souvent à l'hôpital reçues un peu de travers, parce que, justement, elles, comme elles sont sans papier, elles ne payent pas, et donc, voilà, il y a toujours... Il y a toujours des regards un peu difficiles et donc c'est un peu compliqué pour elle. C'est toujours plein de choses. Moi, j'ai accompagné une femme qui s'était fait opérer de la hanche et elle avait eu des problèmes parce qu'elle a des rendez-vous antérieurs. 2 ans avant, elle avait eu des problèmes de rendez-vous, des problèmes d'arriver en retard. Et quand on a voulu lui donner des rendez-vous pour faire de la kiné, on lui a dit qu'on ne pouvait pas lui donner parce que justement, elle avait eu des... Donc, on l'a punie. Alors, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Bon, elle vient de se faire opérer de la hanche. Elle doit continuer à faire sa kiné. Elle doit se soigner. Et il n'y a aucune raison que vous la punissiez encore une fois. Bon, je lui dis, moi, je m'engage à l'amener tous les jours ou tous les 12 jours quand il faut pour qu'elle fasse ses séances de kiné. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, bon, ça s'est bien passé. Mais au début, ça a été dur parce qu'elle aurait été toute seule. Bon, je pense que je ne sais pas si elle aurait pu faire ses séances de kiné alors qu'elle en avait vraiment besoin. Sortir d'une opération de la hanche, ce n'est pas facile. Voilà. On repasse un petit morceau de musique, Serge ? Picture me up on your knee, cheeky for two and two for together to see how happy we could be. Nobody near us, dear, it's friends, we lay together, case you won't have it now. We own a telephone, dear. Dawn was breaking, you waved me to bake a sugar cake. You to take for all the boys to see. We were just a family, boy, for you get, for me get. You think I'm happy, we can be, we three. Picture me up on your knee, two for two and two for two. Now can't you see how happy we're gonna be? Nobody near us, see us, dear, it's friends, relays. We get vacation, won't have it, no, we own a telephone, dear. Down the ragged, you were working, we get back a sugar gang. You to take the call, but what you see? We raise a family, boy, for you, girl, for me. Can't you see how happy we could be, we three? Picture me up on your knee, with two for two and two for two. Now can't you see how happy we're gonna be? Nobody near us, see us, dear, it's friends, relays. We get vacation, won't have it, no, we own a telephone, dear. Down the ragged, you wake me to back a sugar gang. You to take all the boys to see, raise a family, boy, for you, girl, for me. Can't you see how happy we can be with three? It's the Jones. Voilà, c'était Anita O'Day, c'était le choix de mon compagnon qui adore Anita O'Day. Voilà, et donc nous allons revenir à notre émission. Nous avons des étudiantes devant qui ont déjà beaucoup parlé, mais elles veulent encore nous dire certaines choses. Alors, donc on les écoute. Nous, il y avait aussi il y a quelque chose qu'on a vu, qu'on a constaté en fait en lisant le rapport, c'est un rapport que l'ULB publie chaque année sur l'égalité de genre à l'ULB et qui reprend un peu des statistiques et des chiffres. Et en fait, on a été un peu choqués de voir qu'il y avait une majorité d'étudiantes sur le campus. On est 59% d'étudiantes. Et en fait, plus on monte dans la hiérarchie à l'université et moins il y a de femmes. Donc il y a 59% d'étudiantes, il y a 42% de chercheuses. Et il y a 30% aidettes, professeurs. Et c'est dû à quoi, ça ? Moi, je pense que c'est lié à deux phénomènes qui sont conjoints. Le premier, c'est que, de manière générale, il y a une dévalorisation des compétences des femmes. On considère que les hommes sont plus compétents que les femmes, et surtout dans le domaine universitaire, qui met en avant des caractères plutôt considérés comme masculins, entre guillemets, comme tout ce qui est raisonné, etc., tandis que les femmes vont plus être assignées à des caractères dits féminins comme les émotions, etc. Donc leurs compétences sont mises à mal. Et puis je pense qu'il y a un deuxième phénomène qui rentre en jeu, en tout cas c'est mon vécu personnel, c'est qu'il y a une forme d'intériorisation par les femmes dans certains regards que la société porte sur elles et qui peut avoir comme conséquence de perdre confiance en soi, en fait, et d'avoir plus de mal à prendre la parole, notamment pour défendre ses idées face à une assemblée qui sera majoritairement composée d'hommes, parce qu'en fait, pour défendre sa thèse, pour obtenir la bourse de doctorat, bah, il faut la défendre. En tout cas, au FOEO, il faut la défendre. Comme c'est une majorité d'hommes, c'est devant une assemblée composée majoritairement par des hommes. Et je pense qu'en fait, on se dévalorise nous-mêmes, en fait. Et donc, je pense que tout ça va faire que les femmes se mettent peut-être elles-mêmes... Enfin, la société met des barrières aux femmes, mais les femmes se mettent aussi elles-mêmes des barrières. Leurs propres barrières. Oui, c'est ça. Pour se protéger. Voilà. Mmh. Oui, pour se protéger, et, parce qu'elles dévalorisent leurs propres compétences, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression-là en tant qu'étudiante à l'université. Et ça, c'est pour tous les niveaux d'études, pour tous les études qui y sont faites. J'ai l'impression que c'est partout, en fait. J'ai l'impression que c'est partout, mais peut-être qu'à l'université, c'est quelque chose qui se voit particulièrement parce que c'est plus parce que l'université met en avant des caractères qui sont assignés plus à la masculinité qu'à la féminité. J'ai l'impression. Oui. Ouais, et pour compléter un peu sur le truc de dévalorisation, enfin qu'on se dévalorise nous-mêmes, je trouve qu'une des façons de remédier à ça, et c'est ce qui est génial dans le collectif, c'est que c'est en non-mixité. Et je pense que c'est vraiment en non-mixité qu'on arrive à prendre un peu... Enfin, ça sert à beaucoup de choses, mais une des choses, je pense, fait que, bah, par exemple, moi, je suis ici, que je suis à l'aise de parler ici, c'est parce que j'ai fait des réunions en non-mixité, c'est parce que j'ai pris confiance en moi et parce qu'en fait... On se permet plus de, bah de se dire que ouais, en fait, on a un avis politique, on a envie de l'exprimer. Et je pense que... Ouais. Et juste en cours, par exemple, on est majoritairement... Enfin, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais en fait, dans les auditoires et tout ça, bah, la plupart du temps, c'est les étudiants masculins qui vont prendre la parole parce qu'ils sont plus, ils sont plus à l'aise, quoi. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, c'est personnel, mais je vois que mes copines avec qui je milite et tout... On a vraiment senti une différence entre quand on faisait des réunions non mixtes et quand et avant, quoi, avant de faire ça. Donc c'est vraiment un truc que je trouve intéressant dans le collectif et que on met aussi en pratique chez les étudiantes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Chloé et Mona ont dit, mais surtout pour en revenir à ce que Chloé disait plus tôt, pourquoi il y a plus d'élèves femmes, filles? Et puis plus de professeurs masculins. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres paramètres à prendre en compte, comme par exemple, on a tout un tas d'autres discriminations sexistes, racistes à l'embauche, et puis le fait de peut-être pas prendre une voix dans la hiérarchie de l'universitaire. Donc pourquoi il y a moins de femmes professeurs? C'est aussi parce qu'elles sont discriminées. Par exemple, on ne va pas plus facilement engager une femme enceinte qui voudrait ce job. Moi, dans ma faculté, donc en histoire de l'art et en archéologie, ça se voit très très fort. On est peut-être, je pense, plus de 70% d'étudiantes. Et on a en majorité des professeurs masculins et beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, blancs pour la plupart, pour la totalité. Et voilà, donc on se pose ces questions-là. Et bien que l'archéologie, ce soit un domaine ultra récent, ça fait que depuis les années 80 qu'il commence à y avoir... quelques femmes archéologues, il y a ça qui est très très fort, et donc dans tout ce qu'on étudie, on voit ce côté sexiste apparaître super fort, et c'est super dérangeant, et voilà, donc je pense que c'est super important de commencer à en parler, puis de voir en fait comment le sexisme se transforme par rapport au domaine. Enfin, il est toujours là, il a toujours une manière de se montrer qui est différente. Effectivement, il a eu des études à l'ULB qui montrent que, qualification homme-femme, c'est l'homme qui est pris pour un poste de professeur. Ça se voit très clairement, ça se voit notamment, moi je travaille dans les milieux associatifs, je suis chercheuse, je suis docteur. On est 6 chercheurs là où on travaille et les deux femmes, on n'est que 2 femmes, le reste c'est que des hommes, et les 2 femmes, on a un doctorat. Tandis que les hommes, ben, ce n'est pas le cas pour tous d'entre eux. Et ce n'est pas un problème, hein, donc, c'est-à-dire moi je ne suis pas dans, dans l'hiérarchie des diplômes de chacune et de chacun, mais c'est clair que si les femmes qu'on fait un doctorat, on se trouve majoritairement à travailler dans des associations, mais c'est parce que les hommes, ils n'ont pas besoin d'un doctorat pour aller travailler dans des associations où on fait la recherche, tandis que les femmes, oui, puisque même comme ça, ils n'ont pas leur place dans les institutions universitaires. Et encore moins les femmes étrangères comme moi, on pourrait dire. Et alors, je voulais juste rajouter aussi, en fait, j'ai discuté justement hier avec une chercheuse qui est dans le groupe de mobilisation des chercheuses, donc à l'ULB aussi, et qui m'expliquait qu'un phénomène qui jouait aussi fort dans cette différence qu'il y avait au niveau du pourcentage des étudiantes par rapport aux chercheuses et aux professeurs, c'est que le milieu de la recherche, c'est un milieu qui est hyper compétitif et que c'est des caractères qu'on valorise plus chez les garçons que chez les filles. Et donc, c'est plus difficile, en fait, pour une femme de continuer et de percer dans ce domaine que pour un homme. Et alors, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Mona par rapport à la non-mixité. J'ai remarqué que à l'université, c'est quelque chose qui est souvent pas compris ou pas interprété. C'est souvent quelque chose qui pose problème, en fait, quand on discute avec les étudiants. Après, quand on leur explique et qu'on en parle, voilà. Mais je veux dire, c'est souvent une barrière. Et je pense que ce qui est super important à dire, c'est qu'en fait, la non-mixité, nous, on la voit comme un moyen et pas comme une fin, donc comme un outil. Que le but, c'est évidemment pas de faire une séparation entre les femmes et les hommes, que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement que les femmes soient à l'aise avec la prise de parole dans des assemblées, dans des réunions qui sont mixtes. Et je pense que la non-mixité, ça nous aide à prendre confiance en nous, à prendre l'habitude de prendre la parole. Et c'est quelque chose de difficile. Moi, dans mon expérience personnelle, ça a été quelque chose de très difficile. Et je pense que les réunions en non-mixité m'ont beaucoup aidée, notamment dans le syndicat étudiant. Le but, c'est vraiment d'avoir les mêmes outils, les mêmes bagages, en fait, que les hommes. Je trouve que c'est quand même un peu fou qu'on soit obligé de passer par la non-mixité pour pouvoir se développer. Voilà. Mais merci, c'est bien intéressant. Avec plaisir. Ouais. Je crois que maintenant, toi, tu veux peut-être parler de ta conférence, non? Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe une musique plutôt. Ou peut-être une musique entre les deux. Non. Une petite chanson. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Donc nous revenons à notre émission, toujours sur Tranche d'Anard. Alors il y a, en dehors du studio, on a parlé, une question, on a une des personnes étudiantes qui était là a posé une question sur le sujet, le pourquoi de la grève en fait. Le pourquoi de la grève au niveau des étudiants, c'est ça ? C'est pas moi qui pose la question, c'est plutôt... J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose d'acquis, la notion de grève. Pourquoi cette action est nécessaire ? Pourquoi on fait une grève ? Et encore plus, pourquoi une grève des femmes ? Quel est le sens ? C'est en tout cas le constat que j'ai quand j'en parle aux étudiants autour de moi à l'université. Et je pense que ça s'explique très facilement parce que... Moi-même, je viens d'un milieu, je suis issue d'un milieu très, très libéral et je pense que c'est venu très tard pour moi. Je pense vers 18-19 ans, quand je suis arrivée à l'université, que j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait faire, que la grève, c'était pas quelque chose, c'était pas un jour de congé pour les travailleurs, que c'était pas. Que c'était. J'ai l'impression que beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes voient la grève comme ah zut, je vais encore être bloquée, je vais pas pouvoir aller au travail parce oui, que c'est dévaloriser la grève, ça c'est pour dévaloriser la grève. Ouais. Voilà, et je trouve ça assez dur de convaincre en fait. Peut-être que Chloé peut expliquer. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué à l'université. Donc, en fait, comme l'a dit Carolina au début de l'émission, c'est que la grève, je pense que c'est un outil formidable pour visibiliser les formes de travail qui sont invisibilisées de manière générale. Et donc, c'est aussi pour ça que faire une grève des femmes, c'est ultra pertinent. Parce qu'on a plein de formes de travail qui concernent spécifiquement les femmes et qui sont invisibilisées, complètement dévalorisées, comme par exemple le travail du care, le travail domestique, etc. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut être compliqué du coup de comprendre pourquoi faire grève en tant qu'étudiante. Ça concerne une classe sociale qui n'a pas forcément encore, en tout cas, la responsabilité des charges. Enfin, après, il y a des étudiantes qui ont déjà des enfants, etc. Mais c'est plutôt la jeunesse, etc. Et donc, ça peut être compliqué de comprendre. Mais en fait, moi, je vois la grève étudiante. Je considère les étudiantes comme des futures travailleuses. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est super pertinent de s'inscrire. D'inscrire en tout cas la grève étudiante au sein de la grève générale du collectif 8 mars parce que en tant que future travailleuse, je pense que on fournit en fait un travail en étudiant et que c'est important de rentrer dans les grandes lignes de cette grève qui veut visibiliser le travail invisibilisé des femmes. Oui. Et donc ce qui concerne du coup le travail invisibilisé mais aussi la dévalorisation du salaire rémunéré, puisque, comme disait Natalia, il y a encore 21%, il y a un écart salarial de 21% entre les hommes et les femmes. Et encore, ça concerne seulement pour le même travail. Mais en fait, aujourd'hui, comme pour l'université, il y a plus on monte dans la hiérarchie et moins on trouve de femmes. Donc en fait, les postes haut placés sont souvent occupés par une majorité d'hommes. Voilà. Oui, mais en plus, la grève, c'est un droit inaliénable. C'est un droit qui est reconnu dans toutes les constitutions. Et le bafouer, ça risque d'amener n'importe quoi. Mmh. Et donc, il faut vraiment se battre pour que le droit de grève soit toujours reconnu. Et même si des gens disent, mais pourquoi on doit faire grève ? C'est vrai que c'est bon, il y a des gens qui vont dire, oui, il y a encore une grève, ça va nous faire chier, on va tomber dans les embouteillages, on va faire ceci, on va faire cela. Mais en fait, la grève, c'est pas pour faire chier les gens. Les gens, s'ils font grève, c'est qu'ils ont besoin de faire grève. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a eu des gens qui se sont battus pendant autrefois, nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont battus pour avoir des droits. Et ils ont, grâce à la grève et grâce à des manifestations, ils ont réussi à avoir des droits. Je pense que c'est important de dire que la grève, c'est un droit inaliénable qui doit rester dans la Constitution, dans toutes les constitutions de... Moi, en Europe, je ne sais pas si dans d'autres pays, en Amérique du Sud, tu peux me le dire. Moi, je pense que la grève, au-delà d'un droit, c'est une façon d'acquérir de droits, justement. On ne peut défendre ces droits de grève qu'en exerçant la grève. C'est ce qu'on disait bien au moment où est-ce que la grève, on peut l'exercer ou pas. La grève, c'est un droit individuel. Et c'est un droit collectif. Moi, j'étais en charge à l'intérieur du collectif. Je faisais un peu les liens avec les syndicats et voir quel syndicat appelait, quel syndicat n'appelait pas. Est-ce que toutes les femmes pouvaient faire grève ou pas? Et donc, en fait, oui, du moment où n'importe quelle centrale appelait à la grève, on a droit à la grève, puisque c'est un droit collectif, mais aussi individuel. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas seulement un droit qu'il faut défendre, mais que... on les défend en l'exerçant. Donc, c'est ça l'importance de faire la grève. Donc, c'est que plus on va faire la grève, plus on va défendre la grève. Et qu'après, si on fait la grève, si c'est pour faire chier les mondes. Donc, c'est-à-dire ceux qui ne font pas la grève. Puisque ce qu'on veut faire, c'est arrêter la production, arrêter tout, arrêter les mondes. Mais puisque ça change, puisque quand on fait la grève, on a des revendications, on veut que ça change. C'est pour cela, c'est à cela que ça sert la grève. Pas que ça continue comme si rien. Non, mais c'est important. Je crois que le droit de grève, il faut le défendre jusqu'au bout, bec et ongle, comme on dit. Je voulais peut-être un petit peu parler de la place des hommes dans cette grève. Et on invite les hommes vraiment à nous joindre, mais dans des places peut-être pas les mêmes que nous, on va prendre. On les invite à travailler un peu pour nous. Il y a des garderies qui s'organisent où on a besoin des hommes qui puissent s'en charger des enfants de manière qu'on puisse faire la grève comme on veut. Et à la maison, pareil, on demande des hommes. Maintenant, c'est justement les vacances scolaires qui s'en chargent ces jours-là des enfants, qui prennent en charge tout le travail de guerre, tout le travail domestique, cuisine, vraiment qu'ils puissent prendre ses places. Pareil dans notre point Carrefour de l'Europe, on avait besoin de hommes qui fassent la tendance. Pour le moment, on n'a que deux hommes qui nous aident à ces tâches. Voilà. Chaque homme qui veut vraiment participer, il peut venir nous aider. Et aussi, en visibilisant la grève et par rapport à la marche, et nous, on est un collectif non mixte, de manière que tous les hommes qui veulent venir à marcher avec nous doivent se mettre un peu derrière, pas prendre les micros, pas prendre la parole, plutôt dans un deuxième plan. Mais bien sûr que si on veut faire changer les choses, faire bouger les choses, et on a besoin aussi de que les hommes soient avec nous. Super. Vous avez entendu les hommes? quand même, attirer un peu l'attention, donc c'est-à-dire les collectifs 8 mars, c'est ce qu'ils appellent. Bon, il faudra aller voir notre site. On a des commandements pour les hommes, donc c'est-à-dire non qu'il ne vient pas à dire on vous soutient et alors on prend votre place, on marche devant vous, on prend la parole, etc. Donc ok, vous êtes les bienvenus, mais il faut savoir, c'est quand même, on appelle les femmes surtout, donc c'est pas qu'on n'a pas, on n'a pas nécessairement besoin des hommes. Si vous voulez vous solidariser, si vous voulez être des alliés, ok, bienvenue, mais allez voir quand même les commandements qu'on a écrits, pour quand même donner quelques conseils pour vous dire c'est quoi un bon allié et c'est quoi finalement un homme qui va venir plus pour nous embêter que pour rendre sa solidarité. Donc si vous venez, c'est pas à prendre notre place et on n'a pas nécessairement besoin, mais si vous voulez vraiment venir, mais vous pouvez contacter un groupe qui justement s'occupe de l'appui logistique. Normalement, c'est pas à nous de faire cet appel, hein, c'est aux garçons. S'ils ont des problèmes, apparemment, ils sont pas problèmes, parce que sinon, ils auront fait l'appel. Mais bon, voilà, c'est pas nécessairement à nous les faire non plus. On le fait comme ça, bah, s'il y a quelqu'un qui, justement, écoute ce programme et qui se dit, tiens, comment est-ce que je pourrais aider ou participer ces jours-là, ces jours de grève. Mais allez voir, justement, sur notre site Internet, vous allez voir les contacts des groupes d'appui logistique et vous pourrez éventuellement, voilà, participer à cette grève en donnant votre appui logistique. Super. Je voulais aussi faire un appel à toutes les femmes qui peuvent se rendre au Carrefour de l'Europe pour les assemblées thématiques. Les assemblées thématiques, c'est une espèce de petit atelier où il y aura des discussions et une parole ouverte, une manière de pouvoir s'exprimer par rapport à des différents sujets. Ça va se passer entre 10h et midi. Il y aura différents chapiteaux où on va se réunir par sujet. Et antiracisme, migration, LGBTQI+, violence, soins à nos autres, travail salarié, écologie et corps et sexualité. Moi, je serai dans l'atelier des corps et sexualité où on vous parlait des plaisirs et des désirs féminins. Quelque chose qui vraiment a été laissé vraiment très, très, très, très loin dans notre culture et qu'on vous revendiquait aussi parce qu'on a le droit à vivre en sexualité comme on veut et dans les meilleures conditions, sans devoir ni se cacher, ni avoir honte de que ça existe. Sûrement. Non, c'était juste que si vous pouvez répéter le nom du site web comme ça, les hommes peuvent trouver ce groupe de logistique. Alors, femmes. Pour le site internet, ça serait taper oui, Mars avec deux A, Mars, et vous allez trouver notre site. Et pour le Facebook, c'est collectif, c'est ça? Collectif.e.f. Mars avec deux A. Dans le site, il y a beaucoup de matériel aussi pour imprimer et pour pouvoir visibiliser la grève dans les lieux de travail, à la maison, et dans les quartiers, etc. Super, mais dites donc, c'est tout un programme bien, bien riche. Hein. J'espère que ça marchera super bien, mais qu'il ne pleuvra pas du tout. On a bien bossé, on n'a pas du tout fait la grève jusqu'à maintenant. Les inégalités salariales, on passe hein un petit peu. Bah, moi, j'aimerais bien toucher deux mots au niveau international. Qu'est-ce qui se passe le 8 mars, quand même? Parce qu'il n'y a pas que des choses qui se passent en Belgique. Il y a des choses qui se passent un peu partout dans le monde. Il faut savoir que cette année-ci, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'une grève internationale. Et donc là, on dit que ce n'est pas du tout une grève traditionnelle. Non, pas seulement parce qu'on ne touche pas les travailleurs salariés, mais aussi parce que c'est international. Donc, ils se veulent une grève de femmes au niveau international. Et là, cette année-ci, il y a 41 pays qui vont participer, alors que cette grève n'a commencé qu'il y a 200. Voilà. Après, il y a deux pays qui n'ont pas encore fait... qui n'appellent pas la grève, mais où il se passe aussi des choses intéressantes. Et je vous invite tous, notamment, à aller voir un peu ce qui va se passer le 8 mars en Tunisie. En Tunisie, le 8 mars, il y a un collectif de femmes de gauche qui appelle, appelle un tribunal international des femmes fictives, où il aura notamment Pinar Selek, qui va aller en Tunisie à ce moment-là. Pinar Selek, c'est une militante et intellectuelle turque réfugiée, exilée en France, et qui fera partie de ce tribunal fictif. Ce qu'il demande, c'est les droits à l'héritage des femmes. Alors, c'est assez drôle, parce que dans ces groupes, justement, de tunisiennes femmes, il y a beaucoup des anarchistes qui sont contre l'héritage, mais en même temps, c'est ce qu'elle se dit, c'est « oui, mais... » C'est tellement gros, c'est ce qui se passe par rapport à cette question d'héritage. Les femmes, elles n'ont pas droit et donc elles se trouvent dans la rue. Elles ont peu accès au travail, mais en plus pas accès à l'héritage. Elles se trouvent vraiment dans la rue et donc elles vont faire voilà, cette tribunal international fictif. Et je vous invite également, donc, c'est-à-dire il y aura des activités qui vont être organisées les jours même par les collectifs à la gare centrale, 5 heures marche mondiale de femmes, on marchera ensemble aussi avec Rosa, avec les collectifs Rosa et la marche mondiale de femmes à 17 heures. Mais il y aura aussi à 14 heures les femmes iraniennes qui vont faire une concentration, 14h30, excusez-moi, concentration devant l'ambassade iranienne. Alors, c'est une collectif de femmes qui fait une marche de 3 jours. Elles ont commencé en Allemagne. Aujourd'hui, donc hier, elles ont été en Allemagne. Aujourd'hui, en Pays-Bas ou en Hollande. Je ne sais pas. Je pense que c'est en Hollande. Et les 8. Donc, c'est-à-dire, non, aujourd'hui en Allemagne, demain, ça sera en Hollande. Et les 8, ça sera à Bruxelles. Et donc, le 8, ça sert à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'elle revendique, en fait? C'est les 40 ans des luttes contre le port obligatoire du voile en Iran. Leur revendication, c'est quoi? Leur revendication, elle est assez générale. Donc, c'est-à-dire, c'est contre le contrôle de nos corps et de nos vies. C'est-à-dire que ce soit, puisque les femmes, que ce soit contre l'interdiction de porter le voile, ou bien que ce soit contre l'obligation de les porter. Okay. Donc, 14 heures, ambassade iranienne. Je pense qu'à 16 heures, elles vont se rendre devant l'ambassade américaine aussi. Et ensuite, elles vont nous rejoindre à 17 heures et on marchera aussi avec elles à la gare centrale. Alors, il faut savoir aussi que pour les femmes iraniennes, le 8 mars de cette année, coïncide avec le 40e anniversaire des 5 jours de protestation des femmes iraniennes contre le djihad obligatoire en 1979. Voilà, donc ça fait 40 ans qu'on les oblige à porter le djihad. Et donc, voilà, c'est important pour elles aussi de pouvoir se rassembler et qu'il y ait pas mal de gens qui seront là. Voilà, ben, merci. Est-ce que tu as encore une petite chose à rajouter, Natalia? Je pense qu'il y avait aussi une programmation le soir à Piano Fabrique, oui. Où là, il y a aussi la délégation des femmes iraniennes qui sont présentes et d'autres choses, je suppose. Mais oui. À 8h plusieurs... du soir, ça commence à 20h du soir, 20h du soir au Piano Fabrique. Et donc, il y aura, je pense, beaucoup de personnes, même de Rosa, de la Marche mondiale des femmes et du collectif, qui finiront en solidarité avec les femmes iraniennes au Piano Fabrique. Bah c'est... Oui. Et alors nous aussi on a prévu un petit programme à l'ULB, on a prévu de faire un piquet de grève à 8h30 à l'UNIF, donc on invite toutes les étudiantes à venir, mais aussi toutes les chercheuses, toutes les travailleuses de l'université, y compris bien sûr les travailleuses d'ISS, donc qui sont les travailleuses qui s'occupent du nettoyage à l'ULB, qui sont particulièrement concernées je pense par la grève du 8 mars parce qu'elles sont hyper précarisées, qu'elles ont des conditions de travail qui sont vraiment pas faciles et qu'elles sont complètement invisibilisées. Elles commencent à travailler à 5h30 du matin, personne ne les voit jamais. Tout est toujours nickel à l'ULB quand les étudiants arrivent. Voilà. Donc on invite tout le monde à venir à ce piquet de grève. À 14h, je pense qu'on va faire du bruit aussi. On va peut-être... Oui. On va voir comment on va s'organiser. On pensait aussi envoyer une délégation étudiante devant l'ambassade iranienne qui n'est pas loin en fait de l'ULB, je crois. Et alors on fait un départ groupé à 14h30 pour rejoindre le mouvement Gare Centrale. Et avant ça aussi, entre 9h30 et 14h, on va faire un petit tour du campus pour essayer de lever les cours. Donc on va aller dans les grands auditoires et on va dire que aujourd'hui c'est la grève des femmes, donc il y a pas cours. Bon, on sait pas si ça va marcher hein, mais on va quand même essayer et je pense que ça va être intéressant de voir un peu les réactions et au moins de poser le sujet sur la table et voir comment les profs surtout vont réagir. On va diffuser une vidéo un peu en fait si les profs veulent pas lever les cours, on va imposer la diffusion d'une vidéo pour expliquer ce que c'est la grève des femmes. Et on aura des tracts avec nos revendications pour les distribuer aux femmes qui sont présentes dans les auditoires. Super. Et vous êtes nombreuses dans tout ce collectif? Dans le groupe de mobilisation. Oui. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette. C'est que, bon, je pense qu'on est une cinquantaine. Ah, quand même. Ouais, mais en réunion, on est entre 20 et 30 à venir aux réunions. Mais en fait, qui est vraiment super chouette. Donc, il a quand même été lancé plus tard que les premières AG du collectif. Mmh. Le collectif est né au mois de mai ou juin, je ne sais plus très bien. Et nous, on a lancé notre groupe de mobilisation au mois d'octobre, novembre. Ouais. Et en fait, ce qui est vraiment super chouette, c'est qu'on a plein de nouveaux visages qui sont pas du tout... Enfin, il y en a qui sont militantes, mais il y a plein d'étudiantes qui sont pas du tout militantes et qui nous ont rejoints. Et donc, c'est super chouette. On a un grand bol d'air frais. Et en fait, c'est chouette de voir qu'on touche... Parce que notre but, c'est évidemment pas de toucher les militantes, c'est de toucher les femmes. Et je pense que c'est le but du collectif, puisqu'on parle bien des conditions des femmes et... Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Et pour nous, c'est vraiment chouette de voir qu'on a touché des femmes qui ne sont pas forcément militantes, qui ne sont pas dans des groupes, spécialement dans des groupes féministes, et en fait, qui se politisent, qui viennent en réunion non mixte, etc., qui font des actions avec nous. Et ça, je pense que c'est vraiment une réussite en tout cas. On va faire des émules. Hein. Ouais. Je voulais aussi dire que toutes les identités dissidentes de la masculinité, ça veut dire toute la population LGBTQI, femmes trans, queer, intersexes, lesbiennes et bisexuelles, sont tout à fait bienvenues dans notre mouvement. Et on attend qu'ils soient nombreux. Et on sait que c'est une population assez maltraitée par la société, victime de transphobie, d'homophobie. C'est des populations où il y a le plus grand taux de suicides, de dépressions, etc. Qu'on lutte aussi pour ces droits et on veut une égalité aussi pour toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans la binarité, parce qu'on a le droit, comme je le disais à un moment, de vivre sa sexualité et à exprimer son genre de la manière qu'on veut. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel le collectif a très fort insisté dès le départ, puisque dès le départ, on a bien expliqué que par femme, on entendait toute personne qui se considérait ou qui était considérée, qui s'identifiait ou qui était identifiée sous le genre de femme. Dès la première AG, on a mis en place des commissions, dont une commission inclusion qui s'occupait notamment de toutes ces questions-là. Et voilà. Super. Ouais. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Mais non, moi, bon, bah, au départ, normalement, je venais pour présenter une conférence, mais finalement, et pour parler des inégalités salariales. Après, bah, on parle tellement de choses et les temps, ils passent tellement vite que ce n'est pas grave du tout. Par contre, ce que je veux faire, c'est annoncer et vous dire que les jeudi 21 mars à 19h à Mondo Bay, on organise une conférence sur les inégalités salariales hommes-femmes. Et qu'il aura notamment Rachel Silvera. Donc Rachel Silvera, c'est une économiste et spécialiste justement dans la question des inégalités salariales en France. Et on aura Florence Loriot aussi, historienne belge, pour parler notamment de la lutte des femmes de la Fabrique nationale d'armes Herstal en 1966, première grande lutte justement pour l'égalité salariale en Belgique. Voilà. Et c'est jeudi 21 mars, 19h, au Mondo Bay. L'adresse de Mondo Bay, c'est rue Édimbourg, numéro 26. C'est à XL. Merci. Puis avec... Non, juste que Natalia, si tu as besoin de plus de temps pour expliquer un peu plus, il y a moyen. C'est juste... Non, non, c'est très bien comme tu ça. Veux rajouter quelque chose? Et dire que les collectifs ont fixé un quartier général à Jacques. Ça s'appelle à la JOC. La JOC, c'est à Rue Anderlecht 4. Et toutes les femmes sont bienvenues demain dès 14h pour préparer la grève, pour préparer des pancartes, pour se chauffer ensemble, préparer des chansons, tout ce qu'on veut. Et là, on va rassembler tout le matériel pour l'amener et vendredi matin au Carrefour de l'Europe. Alors, c'est toutes les femmes qui veulent déjà demain commencer à participer, ils sont tout à fait bienvenues. C'est là que les femmes, le comité de femmes va... Non, c'était aujourd'hui déjà. Non, aujourd'hui, c'est pas à la JAC qu'on a été, c'était à la CSC. Ah oui. Non, on a fait... Un atelier Calico. Un atelier Calico. Oui. Mais effectivement, le quartier général a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est demain aussi. Oui, mais là, nous, on a fait un atelier Calico aujourd'hui et c'est tout. Mm-hmm. Et pour juste peut-être aussi dire ça, avec la radio, on sera aussi présent toute la journée de 8 mars. Donc, c'est ensemble en collaboration avec Radio Panique. Et Radio Panique commence déjà avec une émission à 8h du matin pour encore faire de nouveau l'appel, la programmation et tout ça. De 8h à 9h, ce sera aussi diffusé ici à Radio Libre. Et d'autres radios s'ils veulent. Donc voilà. Et après, on installe un studio mobile, studio volant, dans le café de Dolomol qui est juste à côté de la gare centrale. C'est rue Éperonnier. Non, Épremier. Épremier, oui, c'est vraiment difficile à expliquer. 52. Et là aussi, s'il y a encore des femmes qui veulent venir s'exprimer, on fait une émission de 13h30 à 15h. Et une dernière émission aura lieu dans le même lieu de 18h à 19h. Donc voilà. Ouais. Donc ce sera couvert. Et toute la journée, on va quand même diffuser d'autres émissions. Aussi, cette émission de ce soir va être diffusée cette nuit encore à Radio Panique. Et vendredi soir de nouveau. Donc voilà. Donc on va peut-être passer un petit morceau de musique pour, entre maintenant et l'agenda, qui est tout petit maintenant, parce que bon, on a parlé tellement de la grève du 28. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi qu'il y a une annonce maintenant toutes les 45 minutes à Radio Air Libre sur la grève de 8 mars, et aussi les portraits qui ont été faits par les féministes du collectif de 8 mars, que Zoé a fait de Radio Panique. Ça aussi, ça circule. Voilà. Super. Musique. Put your hat on, honey. You can ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men. For they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Voilà. Donc, bah, merci à toutes. Hein. C'était super intéressant. Merci pour l'invitation. Plein d'énergie, c'est super. Mais déjà, moi, j'avais fait un peu partie du collectif média, enfin de la partie média avec Gwendoline. Bon, j'ai un peu arrêté parce que les filles de Radio Panique et tout ça, elles sont d'une telle énergie que moi, j'étais un peu noyée dans tout, dans tout ça. Et non, mais c'est bien. Tout le monde a plein d'énergie. C'est super. Donc, moi, je pense que ça va très bien se passer, en fait. Voilà, je croise les doigts. Voilà, donc je vais vous faire un petit agenda. Donc pour le 8 mars, il n'y a pas grand-chose à part ce grand événement. Donc le samedi 9 mars à 14h, vous avez à l'ambassade du Soudan une manifestation de solidarité avec les migrants et les migrantes soudanaises. Donc il y a des migrants soudanais qui se trouvent en centre fermé et donc on invite donc à manifester devant l'ambassade du Soudan à Bruxelles à 14h afin d'exprimer une solidarité avec les manifestations actuelles au Soudan et de dénoncer la crise et la situation de migrants soudanais en Belgique. Donc de nombreux Soudanais ces dernières semaines ont été arrêtés et détenus dans des centres fermés en Belgique. Ils ont entamé une grève de la faim pour protester contre la violence utilisée pour les forcer à donner leurs empreintes digitales. S'en est suivi une importante répression, isolement, transfert vers d'autres centres. Tant en Belgique qu'au Soudan, les Soudanais résistent et luttent pour leurs droits contre la dictature de plus en plus violente, contre la répression des migrants. Voilà, et donc l'ambassade du Soudan se trouve au 134 avenue Franklin Roosevelt à 1050 Bruxelles. Donc voilà, ça c'est pour samedi. Dimanche, il y a aussi une manif devant le centre fermé Votem, qui est un camp qui existe depuis déjà 20 ans. Donc c'est pour fêter ce triste anniversaire. Donc c'est un centre pour étrangers qui avait ouvert ses portes donc en 1999, le 9 mars. Donc qui organise l'enfermement et l'expulsion de personnes qui ont simplement cherché accueil ici. Donc 20 ans de déni de droits humains, 20 ans de mobilisation autour de Votem, mais également avec et par les sans-papiers. Ce rassemblement aura lieu à l'espace Tivoli, place Saint-Lambert. C'est la place Saint-Lambert de Liège. Accueil en chanson avec la chorale C des Canailles. Marche jusqu'au centre fermé de Votem via la citadelle. Prise de parole, il y aura de la musique, des boissons, un couscous de la Casa Nicaragua. Et puis des compiles dedans, dehors du beau label en faveur des actions du CRAPC, collectif de résistance au centre pour étrangers. Donc ça, c'est le 10 mars. Et puis, le 11 mars, donc lundi, nos amis de l'Anarchive, comme tous les lundis d'ailleurs, à partir de 19h, se réunissent pour discuter de l'anarchie. Et donc, c'est tous les deuxièmes lundis du mois. C'est pas tous les lundis, c'est tous les deuxièmes lundis du mois. Donc, la haine, le racisme s'immiscent toujours plus entre les individus. On fait la chasse aux pauvres et aux migrants. Les politiques menées par nos dirigeants vont vers toujours de plus de libéralisme acharné. La démocratie ne sert que les nantis de ce monde. Les contestations sociales semblent faibles et hasardeuses. Tu te dis, comme nous, que ça ne peut pas durer, qu'il est plus que temps d'en parler et de créer autre chose. Une autre chose où personne ne pourrait imposer sa volonté à autrui, où nous pourrions nous organiser sans chef et sans hiérarchie, où l'argent et le travail, les frontières et les nations, les lois et les ordres, les prisons et les flics n'auraient plus de raison d'être. Youpi ! Un monde où toi et moi, on pourra vivre ensemble, librement. Donc c'est des discussions. Ça se fait l'accès. Alors il faut que je vous explique que l'accès se fait par l'arrière. Donc si vous avez un problème pour entrer, c'est le 02 650 21 66. Donc il y a aussi qui ne sont pas conviés, tout parti politique quel qu'il soit, tout facho-raciste, sexiste ou homophobe, toute personne qui n'aurait pas envie d'écouter et de respecter les autres. Voilà. Donc, c'est à partir de 19h et c'est Avenue Boyle, 131 à Excel. Voilà. Donc, c'est tout. Ben, c'est tout pour ce soir. Voilà. Moi, j'ai encore quelque chose, si tu veux bien. Ah, ah mais je vous en prie, monsieur. Pour une fois qu'on a le seul homme dans la pièce, il a le droit de parler. C'est dans le même cadre, en fait, le vendredi aussi, par rapport à la manifestation, il y aura une projection d'un documentaire qui s'appelle « La domination masculine ». Ah oui, c'est au Pacifié, au Passiflore. Donc, ça se trouve 180 avenue du Jubilé à Molenbeek, en fait. Et il faut simplement frapper à la porte pour pouvoir rentrer, c'est tout. Je peux faire une petite remarque par rapport à la domination masculine. Ah oui, c'est, la, non, c'est, un, je c'est veux pas documentaire. Oui, c'est documentaire de... Mais ah. Bah, vas-y, non, ça n'a rien à voir avec la domination masculine de Bourdieu, quoi, parce que si, si, voilà. C'est tiré du. C'est inspiré tiré de. C'est comment ce qu'il s'appelle en fait le. Mais c'est sur la violence en fait la domination, mais c'est pas tiré du bouquin de Bourdieu. C'était tout simplement pour dire bon voilà, parfois on donne grand référence Bourdieu par rapport à la domination masculine, quand justement c'est un nouvelle expression de ce que c'est l'invisibilisation du travail des femmes. C'est-à-dire que Bourdieu dans ses bouquins. Bah, il n'a jamais fait vraiment des recherches sur la question. Il n'a fait que reprendre des travaux qui ont été faits par des chercheuses féministes qu'il n'a jamais citées, en plus. Et il a sorti un bon bouquin qui a été très bien vendu. Aujourd'hui, on parle de la question des femmes. On dit, ah oui, oui, Bourdieu avec la domination masculine. Et donc, bon, non, Bourdieu, c'est ce qu'il a repris de féministes qui ne sont pas du tout reconnues. Mais par contre, lui, il a été très reconnu grâce à ses bouquins et donc grâce au travail des chercheuses féministes qui ne s'appellent pas Bourdieu. Donc, le Pacifié Flore, c'est ça? Oui. C'est 180 boulevard du Jubilé à Molenbeek. Et le nom du réalisateur du documentaire, c'est Patrick Jean. Voilà. Voilà. Et il est très bien, ce film, par contre. Il paraît qu'il est très drôle. Pas drôle du tout. Ah bah, il marque à travers des séquences drôles, ahurissantes et parfois dramatiques, le film nous oblige à nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir la vérité. Voilà. Et c'est entrée libre. Donc, ce qui ne gâche rien. Bah, merci à toutes, en tout cas, d'être venues. Et puis, tu as encore quelque chose à rajouter? Je pense que tu as oublié de parler d'Emma Goldman. Ah oui, j'ai oublié parce que j'ai mon amoureux qui n'est pas venu ce soir, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un hommage à toutes les femmes anarchistes dans le monde. Voilà, passé, présente et à venir. Bonsoir. Bonsoir à tous.